Flycase. Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. De ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase, c'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase comme tous les samedis, nous sommes le 19 mars aujourd'hui, nouvelle édition pour ce samedi bien évidemment, avec cette semaine et bien une fois de plus pas mal de changements. Cette semaine un total de 3 entrées et 3 sorties. On va les écouter tout de suite d'ailleurs. La sortie de Clapton avec Only Thing, le remix de Tube and Burger. La sortie également de Eddie Mallor avec Rise, le remix de Robosonic. Et enfin, la troisième et dernière sortie pour cette semaine de Magician avec Together, c'est le remix de Lucas and Steve. Numéro 20. Allez, on est parti tout de suite dans ce classement avec la 20e position Lanterne Rouge cette semaine. 3 places de moins, ex numéro 1 de ce Flycase durant de nombreuses semaines. Un petit tube également qui nous fait du bien, qui rappelle le soleil. Dele Sosimi, Afrobeat Orchestra, Too Much Information, c'est le remix de Laulu. Everybody could know.

dégringolade complète pour ce titre en 7 places au moins cette semaine. 19e, Noir and Juge avec Keep Up. Et pointé numéro 20 juste auparavant, c'était un ex numéro 1 durant de nombreuses semaines. Délai Sosemi Afrobeat. À mon avis, c'est la dernière semaine également. C'est à vous de réagir. Facebook, Flycase, bien évidemment. Too Much Information. C'était le remix de La Voulou. Ça perd 3 places, numéro 20. Les 20 indispensables. C'est Flycase, numéro 18. Flycase, nouveauté. indispensable. Avec Olivier Curtis sur Galaxy. Numéro 16. Comme un petit air de David Bowie là-dessous, Let's Dance. C'était en acoustique, numéro 16, c'est Père Doplesse avec Panthère, pointé. Numéro 16, c'est le remix de Format B. Numéro 17, Doplesse au moins pour Noir and Pure avec Morning Dew. Et pointé numéro 18, c'était la première entrée cette semaine. Il y en a 3 au total, c'était Season avec Do You. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy. Et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émission thématique et DJs rythme les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et nous sommes samedi et ce soir sur Galaxy à partir de 20h. C'est Jérôme B que vous allez retrouver à partir de 21h, Franck Lido. 22h, Digitom. 23h, Marty. À minuit, Storm. 1h, Digigus. 2h, Mark Lower. À 3h, Seth Santos et Pierre Terry. À partir de 4h, question de vous mettre en appétit sur la route également, évidemment, pour rejoindre la soirée Galaxy. C'est une soirée organisée par Stephen Wilson. Ça se déroule ce soir à l'Age de Zoo. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Grosse soirée avec deux salles. Dans la première, Frankie Jones. En invité exceptionnel, il y aura également Wesley, Arnaud, Will Turner. Et dans l'autre salle, Timothy Milton. Et puis également Stephen Wilson. Et puis également Chris Collins. Et pareil, l'Age de Zoo. Rendez-vous à ne pas manquer ce soir dès 22h. Soirée Galaxy, bien évidemment. Tout de suite, voici une proposition d'entrée pour la semaine prochaine. Voici Detroit Swindle avec House Music. We'll be right back.

into a nightclub, I smiled and did my job. You took me serious, handed me a card, I said, boy, I'm not gonna phone you, never done that thing before. You said, girl, it doesn't matter, I've given you a call, I'll be. Giving you a call, I'll be. Giving you a call, I'll be. Giving you a call, I'll be. Kenny Hawks, rappelez-vous, avec Louise, Play the Game. Numéro 20. Allez, on y va, 17h02, voici le récapitulatif de la position numéro 20, la position numéro 11, 20e, 3 places au moins, pour Dele Sosimi Afrobeat, Too Much Information, le remix de Laoulou. Numéro 19, c'est la plus grosse gamelle pour cette semaine, 7 places au moins pour Noir & Huge avec Keep Up. Numéro 18. Trois entrées cette semaine, la 18e position. C'est les premières entrées, tiens. Le groupe s'appelle Season et le titre Do You. Numéro 17. Nora Npour, c'est la position numéro 17 avec Morning You. Ça perd deux places cette semaine, Morning Pure. Deux places de moins également pour Rome Acoustic, c'est la position numéro 16 avec Pantir, le remix de Format B. Numéro 15. Numéro 15, la seconde entrée pour cette semaine, DJ Fuge, Make It Right. 14. Sa personne place cette semaine, la 14e position, ramène tes pieds à le grand tour avec Yellow Submarine. Numéro 13, c'était entré la semaine dernière. Ça gagne 3 places cette semaine, peut-être un futur numéro 1. C'est à vous de voter Facebook Flykez. Nomi Rumpa et me avec Test Like. Numéro 12. 6 places au moins pour la 12e position cette semaine. Red Axis et Abrao avec Sabor. Numéro 11. Et enfin, la 11e position, on s'est écouté il y a quelques instants, à peine, Opsia, ça s'appelle Feeling, c'est leur mix de Olivier et Giacomoto. Numéro 10. Allez, on y va, bon après-midi, 17h04, on est parti pour les 10 premiers, autrement dit les 10 meilleurs pour cette semaine, en ce 19 mars, jour J, hein, je vous rappelle la grosse soirée Galaxy, la soirée Tech the House avec Stephen Wilson, c'est ce soir à l'Est, au club, on aura l'occasion de vous en parler tout à l'heure avec Frankie Jones, Wesley, Arnaud, Will Turner, également Timothy Milton, Stephen Wilson, Chris Collins et Farai, rendez-vous à ne pas manquer, dès 22h, l'Est, Jezo, APEC, voici la 10e position, on est parti. Hein. Numéro 10, une place de mieux pour Sonny Federa et Yasmin. Ça s'appelle Feeling You. Bon après-midi. Baby, I saw you coming up across the room. Now tell me what you wanna do. Are you from around here? Cause I ain't seen your face before, but I know I like to see someone.

C'est tous les samedis entre 16h et 18h avec la 6ème position à l'instant, le grand retour de Koyouf dans ce classement. On espère qu'il aura autant de cartons que le précédent, évidemment. Koyouf avec Who's Wearing the Trousers, c'est pointé numéro 6, ça gagne 3 places, 6 places de mieux pour Audio Jacks, apparemment, avec Vibrate, et pointé numéro 8, ça perd 3 places, Written avec Rinse and Repeat. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy, et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Only Mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et les tribus électroniques seront là évidemment à partir de 20h avec Jérôme B, 21h Franck Lido, 22h DJ Tom, 23h Marty, à partir de minuit Storm, 1h DJ Gus, 2h Mark Lower, 3h Septantos, et à 4h du mat jusqu'à 5h ce sera Pierre Théry au platine. Et puis je vous rappelle la grosse soirée Galaxy évidemment, c'est la soirée à ne pas manquer, c'est à... il faut y aller absolument, à partir de 22h c'est le 19 mars, donc c'est aujourd'hui, et oui c'est le jour J, Tech Da House, soirée proposée par Stephen Wilson, avec deux salle au rendez-vous avec en invité exceptionnel Frankie Jones, il y aura également Wesley, Arnaud, Will Turner, et dans la seconde salle Timothy Milton, également Stephen Wilson, Chris Collins et Farai. Une soirée tout à fait exceptionnelle à ne pas manquer dès 22h. L'âge de Zo, c'est à Peck ce soir. Numéro 5. sur Galaxy, numéro 4. Rock dans ce classement du Flycase numéro 4, ça gagne 4 places, peut-être un futur numéro 1. C'est à vous de noter un Facebook Flycase, je vous rappelle Mind Your Business, et pointé numéro 5 juste auparavant The Cat Lovebirds avec National, c'est pointé numéro 5 et ça perd une petite place. Dans quelques instants, les 3 premiers, le numéro 1 sera-t-il encore It's Everything? Réponse dans quelques secondes. Les 20 titres indispensables. Flycase sur Galaxy numéro 3. indispensable. Avec Olivier Curtis sur Galaxy. Numéro 2. C'était Gershon Jackson à l'instant avec Take It Easy, le remix de Sonny Federa et Matt Joe numéro 2. Flycase, the égal Flycase numéro 10. Allez, on y va, voici le récap des 10 premiers pour cette semaine. Numéro 10, une place de mieux pour Sonny Federa avec Yasmin, Feeling You. Numéro 9, c'est perdu place cette semaine. DJ Leroy et Roland Clark, I Get Deep. Numéro 8, Written, c'est la position numéro 8 avec Kano, Rinse and Repeat. Ça perd 3 places. Numéro 7. Et encore une petite découverte Galaxy. Audio Jack, c'est la position numéro 7. Ça gagne 6 places cette semaine. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Vibrate. Numéro 6. Couillou, numéro 6 cette semaine, t'as gagné 4 places. C'est le grand retour également dans ce classement du Flycase. Peut-être un futur numéro 1. Et qui sait, Who's Wearing the Trouser? Numéro 5. Numéro 5, une petite place de moins pour Lovebirds National. Vance Rock, ça revient dans le classement toujours avec ses rythmes endiablés. Mind Your Business, numéro 4, plus 4. Numéro 3. Alors là, c'est une reprise d'un vieux titre disco, Jen Faris avec Time. Ça perd une place, numéro 3. Et enfin, numéro 2, on vient de se l'écouter il y a quelques secondes, c'était Gershon Jackson, Take It Easy, le remix de Sonny Fodera et Matt Joe, numéro 2. Galaxy, Flycase, Flycase, numéro 1, numéro 1, numéro 1. Allez, numéro 1, pas de changement par rapport à la semaine dernière, c'est toujours It's Everything avec Big Disc, numéro 1, c'est une reprise, un vieux titre disco. On écoutera ça dans quelques secondes d'ailleurs. numéro 1, tout comme les semaines dernières. C'était It's Everything, à l'instant avec Big Disc. Et puis attention, il y a notre ami Dave de l'émission de Matt le Matou qui nous a dit, c'est une reprise d'un vieux titre disco. On a vérifié, effectivement, écoutez. Bon là c'est de la branlette, hein, c'est du disco, mais juste après ça va commencer. Alors c'est d'ici que ça se passe, attention. Il y avait raison en plus. 79, le groupe s'appelait Ferreira et le titre c'était Love Attack. On retrouve quand Dave d'ailleurs, Matt le Matou vient. Bon bientôt, il n'y a rien de négocié, il vient quand il veut. Il vient quand il veut, quand il y a la lumière, il passe, il vient avec tous ses disques, il nous fait découvrir plein de choses et puis il nous apprend plein de choses également, c'est magnifique. Flycase. Voilà Flycase, c'est terminé pour cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de voter Facebook Flycase bien évidemment. Et puis on vous fixe un rendez-vous ce soir à la grosse soirée Galaxy. Hop là, j'en perds ma feuille. C'est avec cette soirée de Stephen Wilson. Donc c'est ce soir à l'Âge de Zoo à partir de 22h. Avec en invité exceptionnel Frankie Jones. Il y aura également Wesley, Arnaud, Will Turner. Et puis dans la seconde salle, Timothy Milton, Stephen Wilson, Chris Collins et Farai. C'est un rendez-vous à ne pas manquer ce soir évidemment. On vous a mis quelques photos d'ailleurs sur le Facebook Flycase, avec déjà la petite ambiance qui rôde là-bas cet après-midi, la description de la salle et tout. Bon, c'est Matt le Matou dans un instant. En super forme. Il est à l'heure aujourd'hui, c'est fantastique. 3 minutes d'avance, c'est incroyable. Il prend des bonnes résolutions pour cette année. Ça commence bien. Bon, qu'est-ce que tu nous prévois aujourd'hui? Bah, comme un petit peu le thème de la soirée, de la tech, de la house, bref, l'éclectisme et le bon son de Galaxy jusque 20h. Ok, bah c'est bref, c'est cool et puis on y va d'ailleurs.